Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ah, de mon temps à Noël, comme cadeau, je n'avais qu'une orangée. J'étais bien content, la belle orange, dévorée en un instant. Par les uns, conservée plus longtemps, par les autres, tentation sucrée et légèrement acidulée de Noël. Que de fois avons-nous entendu cette vieille lune dans la nuit de Noël. Ah, de mon temps, je n'avais qu'une orange. Pourtant, l'orange de Noël a une histoire. Le 31 décembre 1866, le Petit Journal fait sa une sur... l'orange. À l'approche du jour de l'an, il est un objet d'étrenne à la portée de tout le monde et qui constitue le modeste cadeau du pauvre. Bien qu'il ne coûte que quelques centimes, il est joli de forme, attrayant de couleur, succulent de goût, suave de parfum. La belle dame y applique ses lèvres dans le fond de sa loge à l'opéra, caché sous l'éventail. Le gamin de Paris en absorbe le contenu et fait ensuite avec la pelure des feux d'artifice à la chandelle. C'est une friandise aimée de tous, c'est l'orange. Ce fruit plébéien, comme dit le journal, a une histoire qui s'inscrit dans celle du cadeau de Noël. Oui, l'histoire du cadeau de Noël. Eh bien, écoutez, installons-nous au pied du sapin pour écouter cette histoire. Michel Manson, bonjour. Bonjour. Je viens d'évoquer l'orange de Noël et vous êtes l'historien du cadeau de Noël. Vous êtes professeur émérite à l'Université Sorbonne Paris-Nord et vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'histoire du cadeau de Noël, notamment « Histoire des jouets de Noël », histoire avec un S entre parenthèses. Et dès que l'on vous parle de l'orange, quelle est votre réaction, cette orange de Noël? C'est un peu une orange mythique. Parce que finalement, quand on regarde les autres sources historiques sur les cadeaux de Noël, l'orange n'est pas vraiment l'objet le plus présent parmi ces cadeaux. Et depuis très longtemps, on y trouve déjà des jouets. Donc le fait de dire que les pauvres n'avaient qu'une orange comme cadeau, c'est plus un mythe qu'une réalité historique. Oui, voilà, c'est une reconstruction avec cette orange qui symbolise une forme de luxe, un luxe à la portée de tous, parce que ça ne coûte pas si cher. Enfin, en plus, ça dépend où l'on habite. Si on est sur les bords de la Méditerranée, ça ne coûte pas cher du tout. Mais il y a vraiment ce fantasme de l'orange, ce fantasme du cadeau de Noël. Et avec vous, Michel Manson, nous allons retracer cette histoire du cadeau, parce que, vous l'avez évoqué, des cadeaux sont faits aux enfants depuis l'Antiquité. Il y a ce geste qui existe. Oui, tout à fait. On a des preuves de ces cadeaux depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, en particulier un texte qui m'est cher, celui d'Aristophane dans les Nuées, où justement un enfant a reçu de son père des jouets de Noël pour la fête des Diasies, fête qui se situe au mois de février en l'honneur de Zeus et les enfants de Zeus. De même, la fête des Antestéries, qui fête l'enfant Dionysos, et dans laquelle, au deuxième jour, les enfants recevaient des cadeaux. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, cette offrande de cadeaux et de jouets, c'était la fin de l'année pour l'époque, puisque le 1er mars, avec le retour de la période des guerres possibles, était le début de l'année. C'est avant la réforme julienne de Jules César, qui la mettra au 1er janvier. Donc en fait, on a, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, des cadeaux et, parmi ces cadeaux, des jouets offerts aux enfants en fin d'année, pour des fêtes de fin d'année. Oui, parce qu'il est difficile de savoir comment est donné l'objet. Vous avez, vous, Michel Manson, dans votre carrière, en tant qu'historien, fait aussi tout un cheminement d'archéologue. Et l'archéologue a éventuellement un objet qu'il va retrouver, il va l'identifier comme étant un possible jouet. Mais est-il donné en cadeau? Comment percevoir le cadeau? Il y a quelque chose aussi d'impalpable qui nécessite un regard beaucoup plus large sur l'ensemble de la société et sur les relations des uns avec les autres. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme toujours en histoire, une source unique ne permet pas d'établir un fait. Il faut croiser les sources, il faut croiser l'iconographie, les images, avec les textes et avec les découvertes archéologiques. Et c'est parce que justement on a quelques textes qui servent de jalon pour l'interprétation qu'on peut dire que tel objet a de très fortes chances d'être un jouet d'enfant. Et quand on les trouve que dans les tombes d'enfants, il est évident que le rapport à l'enfance est prouvé. Mais après savoir quand est-ce qu'il lui a été donné en cadeau, on sait que pour le jour de naissance, on donnait des cadeaux aussi aux enfants, donc pour l'anniversaire chaque année. Et que à l'occasion, et ça les satiriques en parlent, les amis de la famille, pour se faire bien voir, apporter des cadeaux pour l'enfant. Oui, il y a dans cette recherche d'une histoire des cadeaux de Noël, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, en fait, plusieurs histoires qui se mêlent, vous nous le dites. Il y a l'histoire du cadeau, de faire un cadeau, il y a l'histoire du rapport à l'enfant, et puis il y a tout simplement l'histoire de Noël. Donc tout ça se mêle. À quel moment peut-on identifier le cadeau de Noël ? Alors ça, c'est assez compliqué parce que, comme vous venez de le dire, il y a toute une série de fils qui s'entrecroisent pour former ce cadeau de Noël. Le vrai cadeau de Noël, ça sera à la fin du 19e siècle, puisque très souvent avant, c'était les étrennes au jour de l'an, ou c'était la Saint-Nicolas. Donc il y a toute une série d'occasions de fin d'année dans lesquelles on donnait des cadeaux. Mais le jouet à Noël est quelque chose d'assez tardif. Mais pour moi, c'est l'ensemble de cette période qui compte, parce que c'est lié à la fois au calendrier, au retour progressif de la lumière, ce qu'on a retrouvé dans les religions. Donc il y a un croisement extrêmement étroit entre l'histoire des religions, pas seulement du christianisme, et cette histoire des cadeaux de fin d'année. Oui, parce qu'il faut rappeler à quel moment l'idée qu'une fête de Noël puisse se mettre en place. Nous sommes bien après Jésus-Christ, nous sommes plutôt au 4e siècle, donc nous sommes longtemps après. Mais le choix du 25 décembre, pour dire que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, correspond à la reprise de fêtes antiques bien plus anciennes. Oui, il y a eu à Rome le choix de cette journée du 25 décembre par Constantin. C'est à la fois la naissance de Mithra, qui a été appelée Sol Invictus dans le domaine occidental, et c'est une date qui était en concurrence avec celle du 6 janvier de l'Épiphanie, qui était préféré en Orient pour la naissance de Jésus. Et donc il a fallu un certain temps, la fin du 4e siècle, pour que finalement on choisisse plutôt le 25 décembre. Oui, et puis nous voyons bien encore que ces traditions demeurent aujourd'hui, selon où l'on se trouve, Noël, ou en tout cas les cadeaux n'arrivent pas exactement au même moment, et l'épiphanie reste toujours très importante, avec une image qui se met en place tout doucement, qui se construit, qui s'uniformise dans l'Église, où le cadeau a sa place. Eh bien, écoutez, c'est notamment la présence des rois mages, leur apport du cadeau qui est essentiel. C'est ce que l'on retrouve dans les évangiles, notamment celui de saint Matthieu. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Daniel Koenigsberg qui lisait un extrait de l'évangile de Matthieu, avec ici le moment où les rois mages apportent des cadeaux. Michel Manson, c'est important aussi, cet imaginaire chrétien, l'apport des cadeaux par les rois mages, pour essayer de comprendre comment se construit notre perception du cadeau de Noël. Oui, tout à fait. En fait, ces rois mages seront nommés par les évangiles apocryphes, Melchior pour l'or, Balthazar pour l'encens et Gaspard pour la myrrhe. Ce sont trois éléments symboliques. L'or, c'est la royauté, l'encens, c'est la divinité, la myrrhe, c'est la souffrance rédemptrice. C'est une matrice, en fait, des cadeaux offerts aux enfants. En Italie, c'est la Befana qui va apporter les cadeaux le 6 janvier. Et en Espagne, c'est plutôt les rois mages qui deviennent les donateurs mythiques des cadeaux, bien avant le Père Noël. Qui est la Befana? La Befana, c'est une sorcière à la fois bonne, laide, mais aussi qui peut punir les enfants qui n'auraient pas agi correctement pendant le cours de l'année. Donc, on pouvait avoir d'elle aussi bien des cadeaux que un fouet. Et c'est un peu l'équivalent du père Fouettard qu'on retrouve en parallèle avec Saint Nicolas dans l'Alsace, par exemple. Oui, parce que, en fait, nous avons ici des traditions multiples qui se mêlent pour construire le Noël que nous connaissons maintenant. Vous l'avez bien dit, hein, Michel Manson, il y a cet héritage antique qui fait qu'à la fin de l'année, telle que nous le concevons aujourd'hui, donc fin décembre, il se passe quelque chose, il peut y avoir des échanges de cadeaux, et à cela se mélangent plusieurs traditions païennes, vous en avez évoqué quelques-unes. Peut-on relier ces traditions? Y a-t-il un trait commun à toutes ces traditions? Dans plusieurs, pas dans toutes, il y a un enfant divin. En Égypte, au 25 décembre, il y en avait un. Il y a aussi l'enfant Dionysos dont je parlais tout à l'heure, c'était quand même intéressant, a été attiré par les titans avec une corbeille de jouets, les Crepundia, et qui a été tué, dépecé et ressuscité par Zeus après. Donc voilà un enfant divin qui meurt et qui ressuscite et qui a eu des jouets dans une corbeille. Donc en fait, les fils sont innombrables et donnent des éléments par petites touches qu'on retrouvera dans le domaine chrétien, mais qui va rassembler ça grâce à la crèche et à l'image de la famille restreinte, le père, la mère et l'enfant, dans une image qui va devenir la plus forte de toutes et qui va entraîner progressivement toutes les autres et recouvrir toutes les autres traditions. Oui, voilà, l'image de la famille. Alors là, le papa, le maman, l'enfant, ça c'est la crèche, et on ajoute les rois mages qui donnent les cadeaux. Ça y est, on a constitué notre crèche avec un mélange de traditions anciennes et puis évidemment l'apport chrétien. Bien, c'est tout Saint Nicolas et le père Fouettard. Boucher, pour te punir, tu vas me suivre chaque fois que je reviendrai sur Terre. Tu seras couvert de tes vieux habits. Avec une baguette, tu fouetteras les méchants et les enfants t'appelleront le père Fouettard. Que serait donc le bon Saint-Nicolas sans son fidèle père Fouettard? Incarnation du mal, ce sombre personnage permet en fait au bon évêque de garder le beau rôle, au père Fouettard de faire le sale boulot. On est les pères Fouettard! On va fouetter les gamins de passage! Il est vrai que ces personnages mythologiques permettent aussi de ritualiser un peu ces besoins de punir ou de récompenser, enfin, tout ce jeu entre l'amour et la haine. Et au fond, c'est comme une autorisation culturelle. Le père Fouettard qui aide les parents à avoir le droit d'être par moments un petit peu fâchés contre leurs enfants. Mais aujourd'hui, plus les cadeaux affluent, plus on écarte ce trouble fait peu commercial. Et pourtant, Fouettard risque de finir par manquer cruellement aux enfants et peut-être plus encore aux parents. Une archive de la radio-télévision suisse de 1995, une archive sur Saint-Nicolas et le Père Fouettard, où l'on entend chanter le petit Paul et Ligue. On entend également Raphaël et Ligue dans Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena et Ligue. Je me demande s'il n'y a pas un air de famille là-dedans, mais enfin bon, Noël, c'est une histoire de famille. Michel Manson, cette construction du Père Noël de Saint-Nicolas, et on pourrait en citer plusieurs, et quelque chose qui est complètement datable, en l'occurrence pour Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Là, nous avons la confrontation d'un personnage saint, donc relié à la religion, avec ce Père Fouettard qui est beaucoup plus complexe, il y a un petit côté païen. Oui, mais en fait, ça, c'est quand même dans l'histoire de Saint-Nicolas lui-même, car Saint-Nicolas, d'une part, fait des cadeaux. Il a offert la dot à trois jeunes filles faux pour les sauver du déshonneur. Mais en tenant caché sa propre charité, en le disant pas, comme les parents feront, en ne disant pas que ce sont eux qui offrent les cadeaux, mais en le donnant à un donateur mythique. Et d'autre part, il est aussi quelqu'un qui a le don d'ubiquité, ce qui sera très utile pour le Père Noël. Et il sait se mettre en colère, il sait punir. Là encore, le Père Fouettard a son origine dans l'histoire même de Saint-Nicolas. Et c'est donc en lien avec une conception de l'éducation dans laquelle les punitions corporelles sont tout à fait admissibles. On a même dit que c'était les jésuites qui avaient introduit, aidé le Saint-Nicolas à apparaître comme le donateur à la fois qui punit et qui donne. Oui, parce que cette conception de l'enfant draine l'histoire du cadeau de Noël. On ne peut pas faire l'histoire du cadeau de Noël sans réfléchir à la manière dont on perçoit l'enfant. Mais il faut là aussi apporter énormément de nuances, déjà des nuances sociales, c'est une évidence, et puis une temporalité qui fait que l'enfant a toujours malgré tout été un personnage essentiel au sein de la famille. Mais le cadeau qui est fait, quelle place a-t-il? C'est juste une reconnaissance pour dire à l'enfant « je t'aime, tu es présent », c'est une reproduction d'un geste social, ou bien c'est ostentatoire pour montrer aux autres que l'on a de l'argent et qu'on peut faire des cadeaux à son enfant? Non, moi il me semble que le cadeau est une marque de l'amour des parents. Que c'est cela que ça veut dire. En fait, il s'opère un glissement structurel entre les cadeaux offerts à l'enfant Jésus et l'enfant Jésus par l'intermédiaire d'autres donateurs qui offrent des cadeaux aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui est en rapport avec la montée du culte de l'enfant Jésus, lequel va progressivement, et surtout à partir de Bérulle au XVIIe siècle, permettre de valoriser l'enfance, alors même qu'elle était encore vue du côté des religieux et de Bérulle lui-même au XVIIe siècle de façon un peu négative, mais progressivement et à la fin du XVIIe siècle avec des Fénelon par exemple, il va vraiment y avoir un rapport entre la divinisation, l'enfance du Christ et puis une prise en charge de la valeur même de l'enfant concret dans la société et le désir de lui faire plaisir. Or, à partir du moment où on prend en compte la personnalité de l'enfant, qu'on s'aperçoit que un de ses grands plaisirs, c'est quand même de jouer, et quand il a des jouets, il est encore plus content. Donc du coup, on va essayer de lui faire plaisir, de valoriser et de reconnaître son enfance par un cadeau, et ce cadeau de jouet est celui qui, symboliquement, reconnaît le plus son enfance, car c'est ce qu'on trouve dans l'iconographie depuis le Moyen-Âge, quand on voit les jouets avec les enfants. Le jouet est devenu l'objet qui symbolise l'enfance, toute l'enfance, et c'est donc cette reconnaissance de l'enfance et de l'amour qu'on doit avoir pour elle, qui est visible dans les cadeaux de fin d'année. Et dès lors, quels sont ces cadeaux, Michel Manson? Qu'est-ce que l'on offre à un enfant? Donc on a évoqué cette orange un peu fantasmée pour dire la petite chose, objet de luxe, mais il y a du jouet. Et quels sont ces jouets en fait? Il y a du jouet acheté et puis du jouet fabriqué aussi beaucoup. Oui, il y a des papas qui fabriquent des jouets vous avez par exemple dans l'enfant de Jules Vallès, le père qui est en train de tailler avec son couteau un jouet en bois pour son fils et qui se coupe, et la mère culpabilise l'enfant parce que c'est à cause de lui que le père s'est coupé. Donc on a bien dans la littérature et dans le folklore des traces de ces jouets. Moi j'appelle les jouets écologiques, les jouets que l'enfant fabrique lui-même en détournant des objets, en les transformant ou en les fabriquant, et que le milieu fabrique sans qu'on passe par le commerce des jouets. Donc dans les jouets de Noël, et suivant les situations sociales et économiques des familles, il y a des jouets écologiques entre guillemets et des jouets du commerce. Et ces jouets du commerce sont plus nombreux qu'on le pense, y compris dans des classes assez humbles. Dès le Moyen-Âge, on a par exemple l'attestation d'un petit fabricant de marchand de jouets qui vient à la porte d'un pèlerinage vendre ses jouets, et le texte du XIIIe siècle nous dit que il fait vivre toute sa famille avec cette vente de jouets, qui est pour sur un pèlerinage pour une population beaucoup plus large que la classe dominante, comme on l'a toujours dit. En fait, les jouets sont plus répandus qu'on ne le pense. On a eu une fausse idée de jouets en pensant que c'était réservé à une classe riche, parce que on n'avait que les jouets conservés dans les collections. Alors que si l'on regarde les sources, les archives, et en particulier les inventaires après décès de marchands de jouets sous l'Ancien Régime, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de jouets en magasin, et que ces jouets coûtent très peu cher. La gamme des jouets va depuis le jouet bon marché qu'on achète avec quelques heures de travail jusqu'à des jouets extrêmement riches pour lesquels il faut presque un patrimoine pour les acheter. En parlant de conservation des jouets, Michel Manson, vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez été longtemps conservateur du Musée national de l'éducation. Et en effet, les jouets conservés dans les musées sont les plus belles pièces. Mais que demandaient les enfants au moment d'écrire leur lettre au Père Noël? Eh bien, un exemple en 1878. Car cette nuit, Jésus va naître. Et pour fêter ce grand bonheur, dans les souliers, il viendra mettre ce que l'on demande au Seigneur. Des pralines, des confitures, des chalets d'or de chez Giroux, soldats, pantins, sabres, voitures. C'est ton choix parmi les joujoux. Extrait d'un journal intitulé « La poupée modèle, journal des petites filles » lu par Daniel Königsberg, qui sait également faire la petite fille, en 1878. Et dans ce texte, hein, d'Augusta Coupet, il y a quelque chose d'intéressant, Michel Manson. Nous lisons que c'est Jésus qui va apporter les cadeaux. Dans les souliers, il viendra mettre ce que l'on demande au Seigneur. Étonnant, fin 19e, Jésus peut apporter les cadeaux? Oui, mais ça remonte à beaucoup plus... C'est beaucoup plus ancien, ça remonte au 16e siècle. C'est à partir de la fin du XVIe siècle que progressivement l'enfant Jésus va être pris comme le donateur, en particulier justement dans les milieux protestants pour lesquels on ne voudrait pas utiliser le culte des saints. Et donc il faut attribuer à l'enfant Jésus les cadeaux. Ce qui fait que par exemple à Strasbourg, la fête de la vente, le marché de jouets qui avait lieu au moment de la Saint-Nicolas va être déplacé pour être mis le 25 décembre. Et qu'on a donc là des témoignages montrant que on attribue à l'enfant Jésus ses dons de cadeaux. Et le pasteur Danauer à Strasbourg au XVIIe siècle nous fait toute une description de l'arbre de Noël et des parents qui s'effacent devant le Christkindl, donateur de jouets. Oui, ce donateur est-il naturel ou surnaturel? C'est une question. Nous n'allons pas répondre aujourd'hui dans le cours de l'histoire, car les enfants qui nous écoutent ne voudraient pas savoir exactement qui donne les jouets. Mais Michel Manson, il y a vraiment quelque chose de cohérent sur l'ensemble des traditions, quelles qu'elles soient, c'est cette image du surnaturel, du « le jouet vient d'ailleurs », qui touche à ce monde de l'enfance qui est un monde assez particulier, ce monde détaché de celui des adultes, les enfants adultes en devenir mais qui ne le sont pas encore. Il faut du surnaturel. Oui, mais alors il y a, j'allais dire, une coupure dans ce surnaturel, entre le surnaturel lié à une religion et le surnaturel qui est indépendant de la religion. La transformation de Santa Claus, du Santa Claus américain en Père Noël, le coupe de la religion elle-même. Et donc là, ce n'est plus, j'allais dire, le même surnaturel que celui qui a un rapport très étroit avec des croyances religieuses bien instituées dans une église, par exemple. Eh bien justement, allons à la rencontre de Santa Claus dans un film de 2019. Tu vas te coucher et quand tu te réveilles le lendemain matin, le cadeau t'attend à côté de la cheminée. Oui, monsieur Claus est formidable. Oui, il est génial. Oui. Claus ? Génial ? Il est très grand mais il peut se glisser dans n'importe quelle cheminée. C'est vrai ? Comment il fait ? Ça j'en sais rien, il est peut-être magicien. si vous accrochez vos chaussettes au bord de la cheminée, Monsieur Claus viendra les remplir de jouets. Il ne passe que quand on dort. Personne ne l'a jamais vu. Monsieur Claus, c'est le plus gentil. Hey, tu le connais, toi, Claus? Il s'appelle Claus et il fabrique des super jouets. Claus. Ces jouets sont super. Un film d'animation de 2019 de Sergio Pablos. Alors, Claus en question n'est pas Jean-Marc Claus, le responsable production et antenne de France Culture, qui nous permet, avec toute la technique de France Culture, de réaliser ces émissions à distance et dans des conditions exceptionnelles, malgré les contraintes. Donc, merci beaucoup aujourd'hui à la technique dans le cours de l'histoire, Jérémy Kaufmann. Ce personnage de Claus, donc Santa Claus, était intéressant parce qu'il est à l'origine de notre Père Noël. Le Santa est là, quand même. Il y a quelque chose de saint. Comment s'inscrit Santa Claus dans l'histoire des cadeaux de Noël, Michel Manson? D'abord, c'est le Saint-Nicolas en Hollande. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans la peinture hollandaise des années 1660-1680, plusieurs tableaux de Jan Steen ou Brockenburg qui montrent la famille entière réunie avec la cheminée, avec les chaussettes ou des chaussures et les jouets, et avec même le stéréotype de la fillette qui est récompensée par le jouet et du petit garçon qui lui pleure parce qu'il n'en a pas eu, ce qu'on retrouvera pour les prix au 19e siècle comme stéréotype des enfants sages ou pas sages. Et cette image même, qui est celle que nous reconnaissons, va être véhiculée par les Hollandais arrivant aux États-Unis et fondant New York. Et c'est repris par un roman de Irving au début du 19e siècle qui va nous donner le vrai personnage du Père Noël, lequel va être peaufiné par les Américains entre 1830 et 1860, jusqu'à nous donner l'image même du Père Noël en houppelande rouge, fourrure, avec le traîneau, les rennes, et même la construction de son pays dans le Grand Nord, avec une fabrique de jouets tenue par les elfes. Et c'est cette image qui arrive fin 19e en Angleterre, où on la voit dans des vitrines de grands magasins à Londres, et elle ne sera reprise finalement et vraiment adoptée telle quelle que grâce à Coca-Cola et à sa publicité de 1930 qui reprend très exactement les dessins américains du 19e siècle. Voilà, et qui se popularise chez nous, en France en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, quand Coca-Cola investit le territoire. Mais Michel Manson, vous avez évoqué le roman. C'est vrai que le roman est porteur d'un imaginaire de Noël. Et là encore, nous nous trouvons dans ce sublime 19e siècle avec Dickens. Oui, tout à fait. Mais on a beaucoup dit que c'était Dickens qui avait donné l'image du Noël contemporain et de l'imaginaire autour de Noël. C'est pas tout à fait vrai. C'est Christmas Carol de Dickens en 1843 nous montre bien le don de jouet pour manifester la circulation de l'amour familial. À ce moment-là, dans son texte, Dickens, la place du jouet n'est pas centrale. Elle l'est beaucoup plus dans un texte qu'il est Christmas Tree, qui est plus autobiographique, soi-disant, en 1850. Alors qu'il parle du sapin de Noël qui n'a été introduit que dans les années 40, et lui il est né en 1812, donc il ne l'a pas connu, mais il met le jouet plus au centre. En fait, ce ne sont pas ces textes-là qui ont, dans l'imaginaire français, créé notre Noël, ce sont plutôt les romantiques allemands. Jean-Paul, dont nous parlait hier Gilles Brougère, mon collègue de Paris 13, dans son traité d'éducation de 1807, Hoffmann avec ses contes qui nous donne en fait tout le merveilleux de la fête, dans lequel le commerce du jouet n'est pas du tout stigmatisé. Le commerce du jouet fait partie de ce merveilleux de la fête de Noël, tel que nous le montre son conte Casse-Noisette et le roi des rats. Oui. Et en fait, on a là quelque chose qui est repris par Victor Hugo avec Cosette dans Les Misérables, dans la boutique de jouets de Montfermeil, et puis par Baudelaire dans La morale du joujou, où on voit bien la valorisation du jouet et de l'enfant et des rapports de l'enfant à son jouet. Voilà, donc ces rapports de l'enfant à son jouet, effectivement, vous évoquez Jean-Paul, vous évoquez les contes d'Hoffmann, et c'est l'émission que nous avons diffusée un jour, grandi, apprend quand la cour de récré devient la salle de classe à écouter et à podcaster sur le site Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Il est question de contes, il est question de cadeaux, il est question de rapports des adultes aux enfants quand nous parlons de Noël, mais il est également question de chansons. Oh, vive le vent, d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Oh, vive le vent, d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Dalida qui chante « Vive le vent ». Objet, document historique, la chanson populaire. Alors justement, cette chanson Vive le vent a une histoire. C'est Jingle Bells qui est adapté en France après la Seconde Guerre mondiale par Francis Blanche. Et nous entendons ici, c'est Joyeux Noël et Bonne année grand-mère. Il y a encore un écho, Michel Manson, à ce doute qui existe au moment de faire des cadeaux à la fin de l'année. Donc le cadeau de Noël en lui-même s'impose, se diffuse en France, au 19e siècle. Mais cette temporalité est extrêmement complexe, en fait. Il y a un regard porté sur la date du cadeau et à l'échelle la plus petite, même sur le moment du cadeau. Pendant la nuit, les parents, enfin le Père Noël, met les cadeaux au pied du sapin. Les enfants le découvrent au réveil. Il y a la construction, en fait, d'un imaginaire collectif. Oui, et puis là, il faudrait un petit peu évoquer l'histoire du sapin. Parce que le sapin et les illuminations, c'est plutôt en Allemagne. C'est ça, par exemple, dans le Casse-noisette de 1816 là, d'Hoffmann, il nous montre les enfants qui attendent à la porte du salon, qu'on leur ouvre la porte et ils voient le sapin illuminé, la table avec les cadeaux et des bougies partout. Or, cet imaginaire du sapin ne pénètre, par exemple, en Angleterre qu'avec l'époque victorienne, à partir de 1840. En France, progressivement, mais surtout à partir de 1870, avec les Alsaciens réfugiés à Paris, qui veulent fêter le Noël comme ils le faisaient chez eux, parce qu'ils ont fui l'occupation allemande. Donc là encore, la construction de notre imaginaire de la fête, dans laquelle le sapin et les illuminations sont obligatoires, se fait que par petites touches. Même si du reste, depuis l'Antiquité, il y avait pour cette fin de l'année des branches de houx et des branches de pin et des illuminations. Mais ça n'était pas rassemblé comme ça l'est aujourd'hui dans l'image que nous connaissons. Dans l'étude que vous avez pu faire, Michel Manson, de cette tradition autour de Noël, de la fête de Noël et du cadeau, il y a une accélération de l'uniformisation des pratiques. Il y a des résistances malgré tout qui demeurent selon les régions. Ça reflète les identités en fait de certains revendiquées à juste titre pour échapper à cette uniformisation de la fête de Noël. Oui, tout à fait. Il y a des régions qui continuent à rester pendant très longtemps fidèles à la fête de Saint-Nicolas. Il y a aussi, et y compris dans des familles bourgeoises catholiques comme celle de Simone de Beauvoir, l'enfant Jésus comme donateur est encore là au milieu, au XXe siècle. Donc on a des régions dans lesquelles le pôle protestant garde aussi l'enfant Jésus comme donateur. Et puis il y a encore toute une série de bonhomme Noël ou de Père Noël en Allemagne, en Angleterre, en France, qui ont été créés parallèlement au Santa Claus américain et qui continuent à se retrouver, par exemple, sur les cartes postales de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, avant l'image uniformisée du Père Noël. On a toute une série de vieux bonshommes à barbe blanche, à houppelande plus ou moins grande ou fourrure, et qui sont les donateurs des cadeaux sur les cartes postales. Oui, dans votre ouvrage « Histoire au singulier ou au pluriel des jouets de Noël », Michel Manson, il y a des reproductions de ces cartes postales et elles sont étonnantes. Nous voyons notamment au pied d'un sapin un Père Noël en prière, avec une petite fille en prière. Il y a un mélange complexe entre la religion, la fête de Noël, le cadeau et le prix du cadeau. Diriez-vous que le cadeau devient de plus en plus cher, c'est-à-dire qu'il y a une évolution du cadeau, c'est le sentiment que nous avons, vers une certaine forme de démesure parfois? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le problème de l'arrivée d'un système commercial différent. Et le 19e siècle a connu plusieurs vagues de révolutions commerciales, dont celle qui est, après le 1870, dans les grands magasins qui ouvrent des rayons de jouets à partir de 1874. Et là, comme il y a des catalogues envoyés à 600 000 exemplaires dans toute la France et vus par tout le monde, les enfants commencent à choisir leurs jouets à partir des catalogues et pas seulement avec ce qu'ils ont dans l'imagination. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la gamme des jouets a tendance à augmenter et à toucher aussi bien la province que Paris, et les grandes villes que les campagnes, puisque la diffusion de ce système commercial relayé par les bazars, y compris dans des villages, permet justement une pénétration du jouet industriel qui abaisse ses coûts de production, qui permet donc d'acheter un plus grand nombre de jouets relativement peu chers, ce qui n'empêche pas que les plus riches continuent dans une gamme plus élevée à acheter des jouets très chers. Vous évoquez les rayons dans les grands magasins, les rayons consacrés aux jouets, les catalogues de jouets, mais il ne faudrait pas oublier les vitrines de Noël. Bientôt Noël, c'est le temps où devant les vitrines illuminées se dévident inlassablement d'interminables échevaux de foule. C'est le temps où dans les vitrines, sous les yeux curieux ou désirants des grands et des petits, s'anime d'un peuple lilliputien où chacun de nous reconnaît les aspects ironiques du temps qui est le nôtre. Vitrine de Noël. Lequel d'entre nous un jour n'y a pas été pris? Et les enfants, parfois, s'ils y mènent leurs parents, sont bien obligés de les en arracher. Mais, comme ils disent entre eux, il faut bien que jeunesse se passe. Cette année, les vitrines ne mentiront pas à leurs promesses, mais n'oublions pas, quand nous sortirons des magasins, que des êtres attendent aussi leur salut du mois de Noël, et qu'il faut donner des joujoux aux petits, mais aussi rendre la santé à ceux qui l'espèrent. Pensez avec la joie de vos enfants à la santé des autres, et achetez le petit timbre qui ira dans les rues sans joie apporter un peu de la lumière de Noël. le petit timbre, hein, cette période où les timbres étaient vendus, notamment le timbre antituberculeux. Un extrait des actualités françaises en décembre 1946, où à côté des vitrines de Noël, il est question de la charité. Michel Manson, c'est un aspect essentiel dans l'histoire du cadeau de Noël, celle de la charité, alors peut-être un peu oubliée aujourd'hui. Oui, sans doute. Et d'autre part, c'est vrai que il y avait de la charité, par exemple, j'allais dire jusque dans les prisons, puisqu'on faisait fabriquer des jouets au 19e siècle par les prisonniers, de façon à avoir des jouets bon marché. Et dans les salles d'asile, qui étaient les ancêtres des écoles maternelles, il y avait aussi des dons de jouets qui étaient faits par des personnes bourgeoises qui voulaient que les enfants aient un petit peu de jouets. Donc la charité est liée au Noël en particulier. Là, c'est très proche de Dickens dans le Noël anglais. Le misérabilisme et le problème de la charité sont beaucoup plus mis en avant que dans les représentations romantiques allemandes. Oui, des représentations romantiques allemandes qui nous reconduisent dans ce 19e siècle où se met en place tous les codes qui vont servir à la construction de Noël, ce romantisme allemand où l'enfant prend une place particulière. Et là, nous touchons un peu à ce qui est la magie de Noël, hein, une expression, c'est vrai, toute faite, tiroir, la magie de Noël. Et pourtant, il y a ça. L'enfance devient le monde de la magie durant cette période romantique et il conserve cette idée-là. Donc, dès lors, Noël peut se construire autour de l'enfant. Oui, mais il faut quand même insister sur la façon dont la culture française vont s'emparer de ce thème. En effet, les catalogues des grands magasins et les affiches surtout liées à faites par des illustrateurs tout à fait renommés nous aboutissent à quelque chose qui est tout à fait nouveau. Jamais dans toute l'histoire de l'art, de la culture occidentale, l'enfance et les jouets n'avaient été aussi représentés, mis à l'honneur sur les murs de la ville et sur les couvertures des catalogues. Donc effectivement, faut prendre en compte que dans l'imaginaire collectif, le fait qu'il y ait une multitude d'images qui représentent sous toute une série de facettes, mais en gros la même histoire, tend à cette uniformisation d'une part et à cette valorisation de l'enfant et de son rapport aux jouets d'autre part. Oui, mais cela reste aussi de la culture populaire et je suis très content que vous évoquiez cela, Michel Manson, l'image, l'apport, la source iconographique, parce que les représentations de l'enfant et du jouet à Noël, nous touchons ici à la publicité, à la réclame. Et pourtant, l'histoire de la peinture nous montre des enfants qui jouent, mais c'est toujours une image en marge. Pas tellement. Vous la voyez centrale ? Centrale. Disons que ça dépend comment elle est diffusée. Dans la grande peinture, c'est relativement en marge. Bien qu'il y en ait, depuis la fin du Moyen-Âge, il y a des enfants et des jouets dans la peinture. Mais il y a aussi les gravures, qui, elles, étaient beaucoup plus répandues. Et qui, par exemple, au XVIIIe siècle, les tableaux représentant des enfants avec des jouets, enfin, sur lesquels figurent des jouets, étaient repris en gravure et beaucoup plus diffusés. Il va y avoir les illustrations des livres illustrés. Toute la littérature de jeunesse va véhiculer des histoires de jouets et d'enfants avec jouets et dans lesquelles il y aura des illustrations. Il va y avoir au cours du XIXe siècle les images populaires de publicité des grands magasins pour le chocolat, les images de chocolat, les albums que l'on pourra faire. Et donc là, on a quelque chose qui rentre et pénètre dans la société à peu près à tous les niveaux. Et puis dans cette iconographie du jouet, nous sommes évidemment en faveur de Noël pour promouvoir l'enfant, le cadeau et souvent pour vendre. Il faut rappeler aussi à Michel Manson que la contestation de Noël dans ce qu'il est devenu commercial est quelque chose d'ancien. Hein. Dans votre ouvrage « Histoire des jouets de Noël », vous montrez une de ces cartes postales où l'on voit un homme chargé de cadeaux, il n'en peut plus. Et ça, c'est un oncle qui va offrir tout cela à ses neveux. C'est trop, c'est démesuré. La contestation même de l'évolution de Noël est quelque chose d'ancien. Oui, tout à fait. Il y a toujours eu un discours contre la consommation. L'un des premiers à l'avoir bien exprimé, c'est Rousseau dans Les Mille, puisqu'il attaque les gens qui achètent des hochets d'ivoire et d'argent, alors qu'un simple hochet fait avec un matériau ordinaire de bois, etc., suffisait pour que l'enfant se fasse les dents. Voilà. Donc en fait, il y a toujours eu, du côté des moralisateurs et des éducateurs, une condamnation du luxe, et du luxe dans les objets pour enfants en particulier. Oui, le luxe et les objets pour enfants, c'est ce qu'il y a au cœur maintenant des musées. Notamment, c'est l'occasion de citer le musée du jouet de Poissy, hein, avec Hélène Meyer-Roudet. Vous avez écrit « Le jouet et la culture enfantine », donc c'est ce guide hein, pour le musée du jouet de Poissy. Dans ces musées de jouets de Poissy, nous l'avons dit, ce sont les objets les plus prestigieux qui vont être conservés, enfin en tout cas dans la plupart des musées. Et en l'occurrence, il y a un regard qui s'est transformé sur la place accordée à l'enfant, la place du jouet donné à l'enfant, et sur le petit détail. C'est peut-être là où nous touchons à l'essentiel, sur le petit jouet pour les plus modestes. Et pour fermer cette émission, c'est là où nous revenons sur l'orange. Même si elle a été particulièrement mythique, elle montre combien le cadeau est essentiel, l'orange offerte à Noël. Même si elle ne l'était pas, c'est la symbolique qui demeure la plus présente. Oui, il y avait aussi des petits cadeaux comme un bateau en bois sur un tableau du 19e siècle dont on voit qu'il a été sculpté par le gamin qui le tient. Oui, ou du pain d'épices, quand nous avons écouté tout à l'heure ce texte lu par Daniel Königsberg, hein, extrait d'un journal de 1878, il y a beaucoup de confitures, il y a des pralines. Faut pas oublier aussi cet aspect alimentaire. Aujourd'hui, la boîte de chocolat est réservée aux grands-parents. Pendant longtemps, elle a pu être le cadeau pour les enfants. N'oublions pas les bonbons, puisque je travaille aussi sur l'histoire des bonbons. Et ben voilà, donc je pense que là, nous avons fait un grand panorama de tous ces cadeaux possibles pour les enfants. Pas sûr que les enfants d'aujourd'hui soient heureux de recevoir un pot de confiture, même si c'est formidable s'il est fait maison. Merci beaucoup Michel Manson de nous avoir présenté cette histoire des cadeaux de Noël et des jouets à Noël. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et il est l'heure dans le journal de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, les mots aussi ont une histoire. Islamo-gauchisme. Un terme qui sonne invariablement comme une expression de mépris, voire une franche insulte aujourd'hui, mais quelle est son histoire ? C'est la question que s'est posée Valentine Faure dans un article du Monde cette semaine. Islamo-gauchisme, employé par Jean-Michel Blanquer le 22 octobre dernier pour désigner une idéologie dangereuse, selon lui, quelques jours après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty à la sortie du collège de Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait. L'islamo-gauchisme était entré dans le vocabulaire gouvernemental après un usage largement partisan depuis une vingtaine d'années. Notre société a été beaucoup trop perméable à des courants de pensée, à des acteurs. Qui, par exemple, des milieux intellectuels, des milieux universitaires, citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Islamo-gauchisme, c'est Pierre-André Taguieff qui l'aurait utilisé pour la première fois pour décrire, je cite, « une convergence entre les intégristes musulmans et des groupes d'extrême-gauche à la faveur d'ennemis communs ». Le sociologue refuse d'assumer les usages postérieurs de son invention. L'usage médiatique d'islamo-gauchisme semblait jusqu'ici plutôt réservé à la droite. En témoigne un chiffre établi par un autre sociologue, Fabrice Dume-Sonzoni, qui octroie au quotidien Le Figaro 50% des utilisations du terme depuis son apparition récurrente, située entre 2003 et 2004 dans la presse quotidienne nationale. Pas facile de comprendre comment ce qualificatif de défiance a pu prendre une telle ampleur. Selon l'historien Ismaïl Ferhat, la disparition du monde ouvrier en tant que force de contestation globale a poussé les forces de gauche à s'interroger sur les nouveaux leviers du changement révolutionnaire. Dans les années 70, les travailleurs immigrés attirent l'attention avec l'oppression double de leur statut, discrimination raciale et pénibilité de leurs conditions de travail. Ils apparaissent alors comme un groupe témoin de l'aliénation des individus dans les sociétés contemporaines. La référence à l'islam reste alors cantonnée au second plan. C'est C'est une lecture culturelle de la discrimination qui intègre pleinement la dimension religieuse et qui prend son essor dans les années 80 au sein d'une gauche non révolutionnaire, à la volonté affichée que la démocratie libérale porte l'extension des droits de l'homme et de l'égalité, selon Philippe Portier, également cité par Valentine Faure. La revendication d'un projet de société multiculturelle, respectueuse des droits propres aux minorités issues de l'immigration. En ligne de mire, la critique de l'universalisme, grand effaceur des singularités. Avec une fracture au bord de laquelle vont désormais s'articuler tous les doutes de la gauche, la condamnation à mort de Salman Rushdie par l'ayatollah Khomeini en 1989 pour son livre « Les versets sataniques ». L'islam politique ne semblait finalement pas porter les valeurs de la gauche occidentale, mais il fallait rester vigilant face aux débordements anti-musulmans. Une ligne d'équilibre délicate qui piège souvent les débats, toujours actuelle et amplifiée depuis par les aléas du conflit israélo-palestinien et les attentats terroristes qui se sont multipliés ces dernières années. S'affronter au parcours des usages du terme « islamo-gauchisme », c'est plonger dans une histoire tortueuse où les principes se heurtent à la nuance qui passe difficilement la frontière de l'efficacité de rigueur dans l'exercice du discours politique. Merci Anaïs qui en retrouve le journal de l'histoire sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Jouer en société, mais d'où viennent les règles du jeu? Ce sont les émissions que vous pouvez écouter et podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France, des loteries royales, aux jeux de plateau, mais aux origines des jeux de plateau qui nous emmènent dans l'Égypte antique, et puis de la cour de récré à la salle de classe, comment le jeu est entré dans l'éducation. Nous avons 4 émissions à vous proposer sur le jeu, parce que demain, nous allons faire un tour à Tours, mais nous allons à Tours en 1920, car il y a 100 ans, lors du congrès de Tours, il y avait la naissance du Parti communiste français. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Valentine Lovrens, Odile Joessel, Anne Toscane-Viudès, Nicolas Berling, Marion Dupont. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhiou.